Avec cette carte, est-ce que nous pouvons prendre ces remontées mécaniques ? Oui, bien sûr. Ce forfait vous permet de prendre toutes les remontées de la station. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche ? Ah oui. Et il est strictement interdit de faire du ski hors piste. Hein. C'est dangereux. Maman, est-ce que je peux prendre la piste noire ? Non, mon chéri, pas question. Elle est trop difficile pour toi. Tu peux prendre la rouge si tu veux, avec nous. Est-ce que c'est autorisé de faire de la luge sur la piste verte ? Oui, regarde. Tu peux faire de la luge sur la piste, là,